Sonny le philosophe, Mira. C'est pour l'amour de la famille, du ghetto, l'amour d'une vie. Depuis lui, Since you've been away, I've been down and lonely. Since you've been away, I've been thinking of you. Trying to understand the reason you left me. What were you going through? Malgré les guerres, la trahison et ce côté gore. En aimant de riche en fait, A-M-O-U-R. Attends sonner pour la famille, on doit pas faillir pour eux. À mort la famille. Facile quand on vit du côté positif. Jamais baisser le sourire avant la joie de vivre attitude. C'est pour l'amour de la zig 16 mesures. Mira, Sonny, écoute, c'est de l'amour qu'on vit. Qu'on rime, qu'on récite, qu'on crie. Actif sur le beat, écoute, c'est la mélodie GC. Et d'ailleurs, car l'amour se répand comme les fleurs qui fleurissent. On enrichit notre vécu à chaque sourire. Et sache qu'on s'en bat les couilles des rides. Et je te récapitule, on a de l'amour pour la famille ghetto. Et qui sait, peut-être la femme de notre vie. On a de l'amour pour la famille. On a de l'amour pour le ghetto. Mira, Sonny, on a l'amour d'une vie. L'amour pour le ghetto. Mira, Sonny, on a l'amour du cri. L'amour c'est plus que des sentiments. L'amour c'est amour de sanguin. L'amour c'est la paix mais pas la haine. L'amour c'est l'ambition de réussir. L'amour c'est l'union de deux êtres. L'amour c'est la naissance d'un nouveau-né. L'amour c'est boum, boum. On a de l'amour pour la famille. On a de l'amour pour le ghetto. Mira, Sonny, on a l'amour du pays. L'amour d'une vie, c'est pour l'amour d'une vie.